Chapitre 13e. Daube l'échappe d'une belle. Ce ne fut sous aucun rapport un agréable dimanche que celui que passa Daube après la découverte de la disparition de Gervase Cawthron de Castleford. Il paraissait très clair qu'on s'était procuré le billet de banque qui avait remplacé l'argent soustrait d'une manière clandestine et mystérieuse. Jusqu'à quel point le mode qu'on avait employé était-il obscur et mystérieux? C'est ce que Henri Adolphe n'osait pas contempler même dans ses pensées les plus secrètes. La question la plus pressante était en ce moment de savoir en quelle mesure il pouvait être compromis par le fait qu'un des billets manquants était passé dans ses mains. « Je crois que ces courses de chevaux ont été inventées par le diable, » pensait l'infortuné Daube, « ou elle n'aurait jamais mis un homme tel que moi dans l'embarras comme je le suis. Quel heureux gaillard j'étais avant de rencontrer Cawthron et de rien connaître au Paris de Farringdon Street. » Alors il réfléchit sur la disparition de son ami. Cawthron avait des dettes par-dessus la tête, pensa-t-il, et je suppose qu'il aura à la fin trouvé la place trop chaude pour y rester, et qu'il se sera décidé à la quitter. Il parlait toujours de la probabilité qu'il avait de sortir avec éclat de son régiment, ou d'être obligé de prendre la clé des champs tôt ou tard. Mais si l'homme qui était à l'abbaye vient à mourir, et qu'on ne trouve pas le véritable meurtrier, ce sera une chance malheureuse pour le lieutenant d'avoir pris la clé des champs le jour du meurtre. Plus il considérait cette fâcheuse coïncidence, et plus étrange et plus obscure, elle paraissait à l'esprit de Daube. Comment Cawthron s'est-il procuré ce billet de banque, pensait-il? Ce n'est pas beaucoup plus de 12 heures après le meurtre que j'ai trouvé l'argent dans mon pupitre. Comment s'y est-il trouvé? Bonté de Dieu! Cela bouleverse ma cervelle quand j'y pense. Seulement 12 heures. De toutes les choses les plus difficiles à croire ou à admettre, c'est assurément l'idée qu'une personne qu'on a connue intimement, un ami familier à soi, a commis une sombre et hideuse action. Il est si naturel de penser que les assassins sont une race à part portant la flétrissure de Caïn au front, aussi bien avant qu'après la perpétration du crime. Mais Caïn était comme les autres hommes avant de lever sa massue pour tuer son innocent frère. Les gens qui ont connu M. William Palmer, de Ruglay, déclarent qu'il était le plus agréable gentleman. L'homme entre tous auquel une connaissance dans le besoin aurait songé à emprunter un billet de 5 livres. Et ceux qui étaient à l'école avec le docteur Pritchard de Glasgow sont forcés de confesser qu'il était comme tous les autres enfants. Qu'il jouait à l'anguille et la balle au camp aussi joyeusement que ses camarades. Il y a peut-être quelques points donnés dans l'existence que Satan attend pour choisir sa victime, et jusqu'à ce que le moment arrive, le voyageur prédestiné bat son petit bonhomme de chemin sur la route de la vie, tout aussi bien que les autres voyageurs. Pendant cet interminable dimanche, Daube retourna les mêmes questions dans son esprit. Comment Gervase Cawthron s'était-il procuré cet argent? Et que dirait-il lui, Henri Adolphe, pour l'avoir en sa possession? Il faudrait raconter la vérité sur l'argent soustrait qui avait été hasardé sur les chances de tout Penny Postman, et agir ainsi serait se perdre. Car Sloper était un homme de fer, un homme incapable par nature de pardonner la moindre action déshonnête à son commis de confiance, un commis auquel il aurait confié la caisse des précieux shillings et souverains et même des billets de banque. J'aurais dû avoir l'esprit de suivre l'exemple de Cawthron et de prendre la clé des champs, pensait Daube. Mais une lecture judicieuse des journaux du dimanche lui avait démontré que les commis qui se sauvent par un train sont ramenés ignominieusement par le suivant, et que de nos jours s'enfuir de n'importe quel port anglais semble tout aussi impossible que de s'évader de la tour au Moyen-Âge. Il faut, à force d'effronterie, me tirer de là, pensa Daube. Le Seigneur seul sait ce qu'il adviendra de moi. Il n'osa pas aller à la caserne pour s'enquérir de Gervase, car il l'avait été trop cruellement couvert de honte par la manière dont le commandant l'avait traité. Mais il se rendit chez le marchand de tabac, où il y avait plusieurs militaires qui flânaient et fumaient, et se disaient les uns aux autres que c'était par trop fort et par trop ennuyeux que le pauvre diable ne puisse pas jouer au billard le dimanche, et où il entendit des discussions animées sur l'attentat du bois de Scarsdale et sur le lieutenant qui avait déserté. Personne, cependant, ne pensait à relier ces deux événements ensemble. Dans la soirée, Daube reçut comme à l'ordinaire. Il avait enjoint à Célina de ne pas dire un mot relativement au billet de banque qui avait été en sa possession, et en vérité, il avait fait de son mieux pour détruire les inquiétudes de cette dame en lui disant que probablement il avait fait quelque mépris sur le numéro du billet. Ayant agi ainsi, il sentit son esprit un peu plus tranquille, et à la tombée de la nuit, il fut prêt à recevoir ses amis et à déployer sa gaieté accoutumée. Mais la soirée lui semblait longue et triste, et la chanson de Spinner, l'amiral, avait quelque chose de plus lugubre qu'à l'ordinaire. Naturellement, l'attentat commis sur Holroyd fut librement discuté dans cette assemblée animée, et toutes les ingénieuses théories qui charment les gens dans de pareilles circonstances furent dûment exposées par différents membres de la société. La petite réunion fut terriblement étonnée quand, tard dans la soirée, Dob bondit subitement sur sa chaise et donna un grand coup de poing sur la table en s'écriant « Oh, que le diable vous emporte! En avez-vous fini avec tout cela? Si vous ne savez parler que de têtes fracassées et de sanglants, vous feriez mieux de vous taire et de vous en aller. » Les autres se regardèrent les uns les autres tout effrayés. Dob avait l'habitude d'être plaisant, et ils étaient accoutumés à supporter ses plaisanteries, même lorsqu'elles prenaient la forme de pois secs lancés par une sarbacane. Mais cela était rude. Spinner se versa un verre de bière. Lorsqu'un homme est en visite dans un endroit où le système du Yorkshire est en vigueur, il est obligé de protéger ses propres intérêts. « N'importe, Dob, » dit Spinner, quand il eut bu sa bière. « J'espère que, la première fois, j'aurai le plaisir de jouir de votre société. Je trouverai cela beaucoup plus agréable. » Et pour la première fois de sa vie, le brillant commis brasseur ne trouva aucun mot pour répondre à son ami. La fontaine de l'esprit de Dob était gelée. Le lundi matin approchait terriblement, et son imagination était absorbée par l'image de Sloper, sévère et questionneur comme il l'avait trouvé à son entrée dans le bureau. Il était trop expérimenté et trop homme d'affaires pour ne pas savoir que la banque serait le premier endroit dans lequel la police irait chercher les billets volés, et qu'il serait vite prouvé que le fatal billet de 50 livres avait été dans ses mains. Il est à peine utile de dire que le petit pain au beurre qui marquait les lundis de Dob comme d'une croix blanche, car dans la triste monotonie des déjeuners de la semaine au Villa Amanda, un petit pain était tout à fait un événement, fut repoussé sans être goûté par le malheureux commis. Il essaya de cacher son inquiétude sous l'apparence de gaieté d'un spectre. Il enfonça son chapeau un peu plus sur sa tête que d'habitude, car un homme de l'espèce de Dob ne peut jamais porter son chapeau comme un être civilisé. Il fredonnait une mélodie nègre d'un genre horriblement vif en s'acheminant vers l'établissement de Sloper et Hallyday, et il faisait tourner une petite canne qu'il portait avec un air qui avait l'intention d'exprimer une grande gaieté de cœur. Mais ses héroïques efforts furent tous inutiles, car une connaissance qu'il rencontra en chemin lui dit qu'il ne paraissait, sous aucun rapport, en bon état, et le petit miroir suspendu dans un coin du bureau, miroir devant lequel il s'était perfectionné dans l'art de donner à sa figure les traces de Tippity Witch et Hot Codlins, lui montra un pâle visage et des yeux ternes et éteints qui paraissaient avoir bouilli dans l'eau chaude. Il n'avait pas attendu longtemps sa punition. Il avait vu un homme posté à l'extérieur de l'établissement et avait senti son sang se glacer lorsque la pensée lui était venue que cet homme pouvait être un agent de police en habit bourgeois. Mais l'homme qu'il soupçonnait l'avait laissé passer sans l'inquiéter. Il pendit son chapeau, et le malin esprit saisit encore cette occasion pour lui rappeler quel commode pater ce serait pour se pendre lui-même. Il se mit à son pupitre et fit semblant de commencer son ouvrage. Mais il se sentit aussi incapable de s'occuper des comptes de la maison Sloper et Hallyday que de mesurer le cercle ou de surpasser feu le professeur Porson dans la composition des iambes grecques. « C'est inutile, » pensa-t-il avec un gémissement. « Je ne sais si les caractères sont retournés, mais je sais qu'ils me font l'effet de l'être. » Il ne fit pas plus longtemps d'efforts pour travailler, mais il resta assis la tête enfouie dans ses mains comme la statue du désespoir. Le jeune commis, Sparkins, regardait son supérieur à la dérobée. Il s'apercevait que l'homme important avait du chagrin, et il n'en était pas particulièrement fâché. L'esprit des employés qui gagnent 27 livres est enclin à avoir des idées despotiques en ce qui concerne les subalternes qui n'en gagnent que 50, et Dob avait donné à son jeune commis des raisons de savoir qu'il était le maître de ce bureau. Rien n'avait été dit sur la disgrâce du commis. mais les choses désagréables ont le subtil pouvoir de se faire connaître. » On avait entendu le matin même la voix de Sloper qui appelait Dob, et le ton avec lequel ce nom avait été prononcé devait inspirer la terreur au cœur le plus courageux. « Avez-vous quelque ennui ce matin, monsieur Dob ?» remarqua le jeune Sparkins. « Le directeur vous a appelé plusieurs fois. » Le bureau dans lequel Sloper dirigeait les affaires de la maison était une agréable pièce située sur l'autre côté d'une cour qui avait été autrefois un jardin, mais qui maintenant était disposée pour recevoir les fûts vides. La croisée du bureau principal était en face de celle du bureau du commis, et lorsque son chef était au logis, Dob, en travaillant à son bureau, avait la satisfaction de savoir que les yeux de son patron pouvaient le voir s'occuper de ses affaires ou se livrer un peu à la paresse, si tel était le cas. Ce jour-là, le malheureux commis avait fermement la conscience de la présence de ce terrible personnage dans le bureau de l'autre côté de la cour, quoiqu'il ne se fût pas abandonné à l'apathie du désespoir. Une voix de stentor cria « Dob !» Puis un visage rubicon parut à la fenêtre du principal bureau, sur lequel la vie d'un bon vivant ne se manifestait par aucun joli aspect bachique, mais plutôt par un cramoisi foncé animé tel que celui qui colore le visage d'un malin satyre. Dob descendit de son tabouret et s'abandonna à son sort. Il trouva son chef assis en conférence avec un étranger à l'air grave, tandis que le jeune Hallyday bagnaudait, le dos appuyé contre le manteau de la cheminée, les mains dans ses poches. Une copie de l'affiche que le commis avait vue placarder sur les murs insensibles et accapareurs de Castleford était ouverte sur la table de Sloper. « Dob, » dit le directeur sévèrement, « un billet de 50 livres sous le numéro 69-669 a été déposé à la banque dans l'après-midi de vendredi. Il était parmi l'argent que M. Hallyday a reçu de vous ce même jour. Ce billet ne vous a jamais été donné dans les affaires de la maison. Comment est-il arrivé entre vos mains ?» Le commis n'avait rien à faire qu'à dire la vérité. Il devint rouge, puis très pâle, et resta debout pendant quelques moments, roulant les boutons de son gilet entre ses doigts nerveux et brûlants. Puis il raconta son histoire. Il confessa toute chose, l'argent soustrait dans le coffre-fort pour être aventuré sur les champs de Twopenny Postman, les promesses que le lieutenant avait faites de rembourser l'avance de son ami, l'enveloppe contenant le billet de banque que le commis avait trouvé sur son pupitre de le matin le vendredi. Naturellement, il raconta mal son histoire, balbutiant et se contredisant à chaque instant, essayant de revenir sur ce qu'il avait dit et s'interrompant plusieurs fois pendant son récit, naturellement appuyant ses assertions avec des détails tout à fait inutiles et s'appesantissant plus sur l'exactitude de ces détails que sur les principaux points de son histoire. Nous n'avons pas besoin de savoir en détail ce qui se rattache à votre pique-nique, ni ce que M. Caffron a dit à propos des courses, s'écria l'irascible Sloper en frappant avec sa forte main le buvard qui était devant lui. Nous avons besoin de savoir comment vous êtes venu à détourner l'argent qui vous était confié par des gens qui avaient mis toute leur confiance en vous, monsieur, ce qu'ils ne font plus jamais. » Là, l'étranger à l'air respectable s'interposa et suggéra que peut-être Dob avait quelques lettres de Caffron, comme reçu des 50 livres. Mais le commis répliqua qu'il n'avait pas une seule ligne du lieutenant. Certainement, cela paraît un peu singulier, mais jamais Caffron n'a été grand écrivain, dit Dob, qui commençait à reprendre un peu de son empire sur lui-même, à ce moment. Il lui semblait que ce que son sort avait de plus terrible était passé, maintenant qu'il s'était trouvé en face du redoutable Sloper. « Peut-être avez-vous l'enveloppe dans laquelle le billet de banque vous a été envoyé ?» dit l'étranger à l'air respectable. Les costumes de l'espèce de celui de Dob sont pourvus de plus de poches qu'aucun autre genre de vêtements. Henri Adolphe retourna les doublures de 7 ou 8 de ses réceptacles, avant qu'il fût très clair pour lui que l'enveloppe que lui avait adressée Caffron était perdue. « C'est la veste que j'avais, et le même gilet aussi, » dit-il, « et c'est mon heureuse chance d'avoir perdu cette enveloppe. « Je vous en prie, ne nous parlez pas argot en ce moment, monsieur, » répondit Sloper en colère. Un employé qui a détourné de l'argent de la caisse qui lui était confiée pour satisfaire la passion dégradante de parier sur le turf, ne peut pas espérer grande chance, je pense. Je veux vous dire ce qu'il en est, monsieur Dob. C'est une très vilaine affaire. Il y a eu un gentleman volé et assassiné. Oui, monsieur, assassiné. car je crains bien que la vie de M. Holroyd ne puisse être sauvée. Un gentleman volé et assassiné, monsieur, dans la nuit de jeudi. Et le vendredi matin, vous remettiez un des billets soustraits à ce gentleman à mon associé, M. Halliday. Quant à l'histoire que vous venez de nous raconter, monsieur, je prends sur moi de dire qu'il n'y a pas un mot de vrai, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et je vous demande encore une fois comment cet argent s'est trouvé en votre possession. Mais à ce moment, l'étranger s'interposa pour la troisième fois. « Je pense que cette question s'éclaircira autre part, dit-il. Ce que M. Dobb dit ici peut être employé contre lui, et je dois le prévenir de ne pas soutenir aucun argument, qu'il souhaitera plus tard retirer. » Henri Adolphe regarda l'étranger avec grand étonnement. « Que voulez-vous dire ? » s'écria-t-il avec indignation. « Je ne vous ai dit que la vérité, et je n'ai pas l'intention de rétracter mes paroles, ici ou autre part. Si M. Sloper veut me poursuivre pour avoir employé son argent secrètement, je n'y puis rien. » S'il veut le faire, je ne puis l'en empêcher, et cela m'avance bien d'avoir été assez fou pour le rapporter. Mais je pense qu'on doit se rappeler que c'est la première fois que j'ai touché à 12 pence appartenant à la maison de commerce, et que j'étais un fidèle serviteur, oui, un précieux serviteur, travaillant dur, pendant plus de 7 ans. Je crains bien que ce ne soit une très vilaine affaire qu'un abus de confiance, M. Dobb, commença à dire le sévère Sloper. Mais l'étranger posa sa main sur le bras du négociant avec un geste d'autorité. « Allons, allons, cela ne sera pas, » murmura-t-il. Là-dessus, Halliday, qui avait été indécis pendant toute la conversation, se tenant tantôt sur un pied, tantôt sur un autre, comme un gentleman qui ne sait pas s'il veut ou non éclater avec indignation, s'écria. « Oh, allons, je vous le dis, Sloper, et à vous aussi, monsieur, quel que soit votre nom. Dobb n'est pas l'espèce de garçon entremêlé dans le genre d'affaires dont vous parlez. » Nous le connaissons depuis qu'il n'était qu'un gamin, vous savez, et nous l'avons toujours trouvé un bon enfant. C'est le dernier homme au monde qui tuera un autre homme en lui tirant un coup de feu dans le dos pour l'amour de 300 livres. « Quoi ? » s'écria Dobb. « Quelqu'un m'a-t-il soupçonné d'avoir fait cela ?» L'étranger à l'air respectable, qui n'était autre qu'un agent de police de Londres, qui avait été envoyé à Scarsdale, s'avança et sortit une paire de menottes de la poche de son habit. « Je suis fâché de dire... que j'ai cru devoir me procurer un mandat d'amené pour vous arrêter, dit-il. Mais ne soyez pas effrayés. Si vous ne nous avez rien dit que la vérité sur votre ami Caffron, je crois que je vous verrai sortir sain et sauf de tout cela. Peut-être d'ailleurs pouvez-vous prouver un alibi. » À quelle heure le meurtre a-t-il été commis ? Demanda Dobb. Entre 9 heures et minuit. Alors je puis prouver un alibi, cria le commis indigné. Si notre esclavage ne la rend pas folle elle-même. Ma femme et moi, nous avons eu quelques mots ensemble le jeudi matin, et cela s'arrangea à notre dîner, pris de bonne heure, le jeudi soir. Il était 8h30, lorsque le garçon de la voiture et les chevaux apporta la bière supérieure. Je lui ouvris la porte, et après cela, je ne mis pas mon nez en dehors des villas Amanda. Et si vous ne pouvez pas prouver un alibi, Dobb, et qu'il me faille une caution, je suis prêt à être un de vos répondants, dit Halliday. On envoya chercher une voiture. Les menottes furent abandonnées comme une dégradation inutile, d'autant plus que Dobb était tout disposé à paraître devant n'importe quel tribunal, et l'agent de police métropolitain arrangea toute chose avec une si parfaite discrétion que le transport du commis chez le magistrat de Roxborough fut effectué sans esclandre. Cet important fonctionnaire avait été désigné pour faire une enquête préliminaire à midi, ce même jour, et les témoins de Scarsdale avaient été dûment assignés. Un solliciteur qui avait été membre du cercle de Dobb et un des plus grands tapageurs de Roxborough, 3 ou 4 ans auparavant, fut constitué à la requête du commis pour surveiller la poursuite faite contre lui, et la bonne à tout faire, de laquelle les preuves de l'alibi dépendaient, fut aussi citée. Il fit de son mieux pour mettre en péril la vie de son maître par son refus persistant de faire des réponses précises et de renfermer son discours dans le sujet voulu. Mais en dépit de cette jeune fille, l'innocence du commis fut parfaitement reconnue, et il fut très clair qu'il n'avait pris aucune part dans l'attentat, et Henri Adolphe sortit de la présence du magistrat comme un homme libre pour retrouver sa femme dans une de ses plus fortes crises nerveuses dans la chambre des magistrats. Avant que Dobb eût quitté le tribunal, l'agent de police de la métropole s'était assuré par quel train exact Jervois Caffron avait quitté Roxborough et s'était dirigé en toute hâte vers Londres à la recherche du malheureux lieutenant.